musique en marge. C'est fou, 89.1. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Gabriel Biout nous rendra visite après la poke et l'huître d'hier soir dans les coulisses de la huître. Et on mangera un produit qui ne sera malheureusement pas une huître dans une grosse pointe en dresse. Assemblage requis commence tout de suite. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce mardi 17 mars 2015. C'est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Salut, Steph. Salut. Il y avait encore un gros party hier, fait qu'on s'est fait embarrer à l'extérieur de nos bureaux. Mais ça arrive comme ça, si on commence tard, là, ça arrive. Mais c'est moi, ouais, oui. C'est pour notre propre sécurité, Steph. Ouais, c'est ça, qu'on soit pris à l'extérieur. C'est ça, pour qu'on se fasse voler nos affaires. Par nous-mêmes, okay. Le matin, quand on en a besoin pour faire l'émission. Ah! C'est ça que ça veut dire. Donc, aujourd'hui, Steph, émission chargée, malgré tout. Malgré tout. On va avoir Gabriel Biout à 8h avec sa chronique dans les coulisses de la Luître. On va revenir sur le match Poké Luître qui avait lieu hier soir dans le Dôme C'est Fou. Hashtag le Dôme C'est Fou. Et ça devait être malade. Malade, c'était malade. Et ça continue, donc c'est fou, ce soir, mardi, mercredi et jeudi, avec un paquet de bonne musique, on va en reparler. À 8h30, deuxième bloc sur les élections de l'AGEQTR, on recevra encore plusieurs personnes, avec Jérémy Gosselin, responsable. On va recevoir Cathy Simon et David Redmond, au socioculturel, Myriam Beauchamp, aux finances et développement. Donc, trois personnes. C'est pas un rappeur, ça? David Redman? Ouais. Je sais pas, Redman et l'autre, je pense. Method Man. Method Man, c'est ça. Mais tant Redman. Mieux s'il y a une bonne méthode là, pour... C'est ça. Le travail, tout ça. Pour slammer de la job. La GEQTR. Ah, je quitterai. Ah, c'est parfait. Ouais. Et ensuite, à 9h, c'est une grosse pointe en dresse où on goûte à un produit du commerce, un produit qui a le moins de classe possible, et on parle de nouvelles de fast-food autour de ça pendant une demi-heure. Voilà. Ça, c'est à 9h. Mais on va débuter avec quelques petites listes dans un moment ou deux. On va se faire comme on le fait à chaque mois. Et là, le mois est déjà à moitié passé. Mais les fêtes qu'on peut célébrer dans le mois de mars. Ah, puis là, on va en avoir marqué plein, là. Ouais, il va falloir toutes les fêter aujourd'hui à la moitié du mois, pas mal. Pour ta fête! Yeah! Mais. mais c'est ça, le 16, c'est comme la moitié du mois. Je sais pas, tu t'attendais pas à ce que. Je l'écris pas. Non, c'est ça. Je m'attendais à exactement ce que t'as fait, finalement. Donc, on va faire ça dans quelques instants. Ça, et peut-être même... On verra du temps, ce qu'on a tantôt. Mais ça va être une pièce. De tirer la coyote, parce qu'hier, tu me l'avais demandé. Je l'avais promis, je l'ai pas fait. Donc, en cadeau, pour toi. Voici pour, pour ta fête. Bah, c'est tellement... Tirer la coyote. Pas pour ma fête. Les chemins de serviette, tirer la coyote. À Assemblage requis. Elle a suivi le courant. Coyote, les chemins de Serviette à Assemblage Requis. Serviette, débarbouillette, moussette, tapis de bain, c'est une liste de choses, devine de où ça vient. La salle de bain? Non, d'une liste en général, voici son foutu palmarès. Son foutu palmarès, c'est la chronique dans laquelle on a mis une liste, Steph, maintenant tu le sais, une liste, ça n'a pas besoin d'avoir un sujet, c'est juste n'importe quoi, mais on fait ça en format liste, et cette fois-ci, c'est la liste des fêtes à célébrer pendant le mois de mars, même si le mois de mars est à moitié terminé, mais ou encore à moitié, il en reste la moitié encore, ça peut être vu du bon côté des choses. Ou du mauvais, ouais. Ou du mauvais. C'est long, le mois de mars, parce qu'il y a 31 jours. Qu'est-ce que tu veux, c'est de même, c'est de même. Au moins, le mois d'avril, il y a 3 payes pour certains. Fait que c'est pas rendant de vous travailler. 5 pour d'autres. 5 pour d'autres. Si vous êtes payé aux semaines. Ça dépend. Aucune paye si vous êtes sous chômage. C'est vraiment c'est ça long, là. Non, mais sous chômage, il rend quand même de l'argent. T'as raison. Mais c'est-tu techniquement des payes, je sais pas. Bref. Vous avez des fêtes à célébrer avec cet argent-là que vous allez peut-être récolter au cours du mois. Commençons par le 2 mars. C'est la journée où on a des faits divers sur les noms. Ah! Hein? Donc, ça doit être toi qui inventais ça, certain. Ça serait le fun, mais malheureusement, je peux pas prendre le crédit pour ça. C'est les onomastiques. Donc, on célèbre des faits amusants sur les noms des gens. Le 3 mars, c'est la journée nationale de l'hymne national américain. Je t'ai mu. Oui, surtout connu pour son patriotisme du 19e siècle. Donc, le Star-Spangled Banner n'est pas devenu l'hymne national avant une loi, en fait un bill qu'on appelle, qui a désigné comme hymne national, adopté par le Sénat, signé par le président Herbert Hoover le 3 mars 1931. Donc, on célèbre ça le 3 mars. Hey, la photo est-tu quétaine? C'est un coucher de soleil et un drapeau américain en filigrane superposé. Ouais. C'est très cliché, ouais. Mais en même temps, ça fait patriotique, hein. Ça, puis des aigles sur une couverture, sur un édredon. Très américain. Très américain, mais c'est ça, les loups, ça va m'affaire. Puis. C'est pas patriotique. C'est pas un patriotique, loup. C'est ça. Non. C'est juste laid. C'est ça. Ça serait peut-être patriotique si c'était l'animal de la Ouganda, là. Ouganda. Oui, parce que c'est clair qu'il y a beaucoup de loups en Ouganda, ben, si je me trompe. Ouganda, tu sais. C'est ça, c'est ouais, ça. Ils ont pensé. C'est ça. Ensuite, le 4 mars, c'est la journée nationale de la grammaire. Ah! Oui. Alors, avoir su. Je n'aurais-tu viré une journée-là, moi, si j'avais pas été mormone? Présenté par la Société de la pour la promotion de la bonne grammaire, la Society for the Promotion of Good Grammar. Donc, une autre fête qu'on célèbre en corrigeant les autres, en faisant son grammar Nazi. Ah, ouais, ça, j'aime ça. Ah, mais ça. Le 6 mars, ensuite, c'est la journée de la fierté de porter un deuxième nom. Tu sais, un middle name, les Américains ont ça. Ou encore même Sébastien F. Gartin au journal, non. C'est pas un middle name, c'est un deuxième nom de famille. Ouais, c'est vrai. Ça, faut le dire. Gabriel Béhoud, même chose. Tu sais, je suis un deuxième nom de famille, ça compte pas. Mais bon, bref, il y en a qui en ont. Et tant mieux pour vous, si c'est le cas. Souvent pas des Québécois qui ont eu leur nom au Québec. C'est vrai. Ceux qui sont venus d'ailleurs. Ensuite, le 7 mars, c'est la journée de la généalogie, parlant de famille et de liens de parenté. C'est pour pas oublier qui vous êtes. C'est la fête qui célèbre votre identité et l'identité de votre famille. La journée de la généalogie. Ensuite, le 9 mars, là, on tombe dans n'importe quoi encore plus. Là. C'est la journée nationale de remplir votre taqueuse. OK. Parce que on a des appareils mnémoniques pour se rappeler de changer la batterie, la pile dans le détecteur de fumée, mais on n'a pas encore de journée pour changer les taques dans taqueuse. En rajouter, mettons. Ben, c'est normal, parce que tu sais pas quand est-ce qu'il y en a plus. C'est ça. On pourrait estimer. Tu dis vraiment de taqueuse, toi? Une agrafeuse, excuse-moi. Non, non oui, mais c'est toi que tu disais ben, oui, mais je dis rarement ce mot-là, donc... OK, ben je sais pas, moi je dis une brocheuse. Une brocheuse, j'avoue. Non, je me demandais si c'était trifluvien. Peut-être que c'est mauricien, du moins. Donc oui, la graffeuse, on la remplit. Fondée par le Dolmen's Club, c'est supposé... Je m'en vanterais pas, moi. Non, du groupe des gars ennuyants. Donc c'est un rappel de remplir votre agrafeuse. Voilà. Et aussi, comme on dit dans la suite, avoir une agrafeuse vide est aussi une bonne journée pour remplir son agrafeuse. Effectivement. Le 10 mars, c'est la journée, en restant au bureau, d'organisation de votre bureau. Mais à la maison. Ah. À la maison, your home office day. Donc, pourquoi arrêter à la taqueuse? Aussi bien remplir tout ce qui est papier blanc. Et... Tu commences, je te dirais, tranquillement, pour te donner un certain rythme. Là, le lendemain, tu te lances. Là, c'est ça, tu te lances là, dans la paperasse. Puis après ça, tu peux continuer avec ton bureau au travail aussi. Là. Pas obligé d'arrêter. Tu fais toutes les étapes. Là. Arrête pas. Là. Arrête ben pas. Ben non. Ensuite, le 14 mars, c'est une fête avec un jeu de mots. Hein, c'est moi, ça. C'est assez horrible. Vous connaissez Mother's Day, la fête des mères? Ben bien oui. Bien sûr. Donc, pourquoi ne pas faire un jeu de mots avec Mother Day, comme un papillon de nuit, hein? Donc, un petit Mother Day. C'est le 14 mars. On rend hommage à ces bestioles nocturnes et les collectionneurs du monde. Hey boy! Il y en a qui ont du temps dans la vie. Ensuite, le 16 mars, aujourd'hui, donc hier, le 16 mars, c'était la journée sans selfies. Sûrement la fête moins observée du monde, parce que tout le monde prend de plus en plus de selfies. C'est pas une journée qui va les empêcher de le faire. Voilà. Peut-être qu'on pourrait... célébrer ça, comment dire... En fait, ça dit dans l'article que ça célèbre ça, ironiquement, lors de l'anniversaire de Philip Kahn, l'inventeur de la caméra de téléphone cellulaire, la première personne à avoir pris une photo avec son téléphone, même si c'était pas un selfie, parce qu'il l'a pas pris lui-même, en fait, ça l'est fait prendre par quelqu'un d'autre. Mais c'est ça, on pourrait célébrer ça, ironiquement, en prenant un paquet de selfies, tu sais, ceux qui prennent pas de selfies. On pourrait prendre un paquet de selfies aujourd'hui pour faire le contraire des autres qui sont supposés pour compenser. Pour compenser, c'est ça. Ensuite, le 18 mars. Ils ont rien écrit pour ta fête. Non. Il y a juste des fêtes faciles. Ils ont sauté par-dessus. Hey, ça, là. Tu sais, la journée, je sais pas, donnez-moi une fête en mon honneur, les jeux de mots poches de mon oncle. Je sais pas, hein, tu sais. Ben ouais. Quelque chose. Ah, ben, la Saint-Patrick, peut-être. Ouais, ouais, une parce fête bidon. Ça entrerait en conflit, c'est ça le problème. C'est ça. Ouais. Ouais, on va passer au 18 mars, je pense, pour soulager notre tristesse. Ou c'est la journée où on pardonne maman et papa. Sentiment important, bien sûr, donc d'excuser tout ce que tes parents ont fait de pas correct dans leur vie, ou pour toi, ou contre toi. C'est le 18 mars, et c'est aussi la journée des moments malaisants. Awkward Moments Day. Oh, ben là, ta journée, c'est demain. Ah, j'avoue, c'est demain. Moment malaisant. C'est malaisant parce qu'ils ont oublié de la mettre le bonjour, je pense. Et en plus, ça parle de moments. Oui, des moments malaisants, c'est drôle. Moi, ça me perturbe parce que ça me prend tout à une petite fraction de seconde avant de distinguer forgive puis forget. OK, oui, c'est vrai. J'ai un petit problème avec ça, fait que je trouvais ça un peu bizarre, moi, comme fête, là. Faut oublier papa puis maman. Ouais. Je trouvais ça poche comme fête. C'est vraiment, en effet, un petit peu plate. Mais forgive and forget, qui est aussi une expression connue de pardonner et oublier à quelqu'un. Ben oui, ça va ensemble. Ça va ensemble. C'est normal de les mélanger. Ensuite, le 20 mars, c'est la journée nationale de la demande en mariage et la journée nationale d'embrasser votre fiancé. Ben, ça va ensemble. Ben, c'est ça, les deux vont ensemble. Dans l'article, ils sont 11 et 12. Mais admettons qu'elle dit non. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'embrasses, merci quand même, meilleure chance la prochaine fois. Ouais, mais c'est pas ta fiancée. Puis ta fiancée. Ça fait dur. Ça fait dur. Il va falloir que tu retournes voir ta femme. pour te faire pardonner de ta maîtresse. Ouais. Faut que tu trouves quelqu'un d'autre à marier. C'est ça. Le 21 mars, c'est la journée nationale du quilt. Tu sais, les gros. Est-ce que c'est un édredon, un quilt? C'est les grosses couvertures anciennes avec un paquet de motifs dessus, là, genre de la Confédération américaine. On appelle ça un édredon, une couette en français. Une couette. Ah. Donc, c'est comme en patchwork. En patchwork, exactement. En patron et autres trucs. Ouais, on sent qu'il y a un autre nom pour ça. Ça me dit édredon et courte couette. Pointe. Courte pointe, c'est exactement ça. On dit aussi un couvre-lit en patchwork des fois, mais oui, en effet, une courte pointe est le mot approprié pour ça pour nous. Bref, c'est la journée nationale de ça le 21 mars. Ça va être la 24e célébration annuelle de ce mouvement pour unir les quilters à travers le monde, à travers cette fête. Ah, ben, Colin, hein, il fallait penser à tout le monde. Ben voilà. Le 25 mars, c'est la journée nationale. Non, ça précise pas nationale, c'est la journée des pacanes. Hey, mais là, il faudrait faire jouer la toune de Pai Pai, là, le 25. est-ce que ça te dérange si on la fait jouer aujourd'hui à la place? Ben non, elle est tellement bonne, Pacane Day. Pas sûr de m'en rappeler, tu sais, la prochaine fois. Donc, ce qu'on était en train de dire, c'était donc la journée nationale du pacane. Non, pas nationale, juste la journée de la pacane. Excuse-moi, j'ai essayé de trouver la chanson en même temps. Ben oui, je comprends. Aussi, je vais l'avoir. Ça ressemble à... Je l'ai. Des petits cerveaux ou... Tu as remarqué que ça ressemblait à des membres féminins? Non. Tu trouves pas? T'as jamais entendu dire ça? Regarde la photo de la pacane. J'arrive. Oui, pacane. Oui, on dirait, oui, en l'entre-genre féminin, oui. ou un hot dog. Mais en noix. Ok, fait que là, si tu fais un parallèle, ça veut dire que l'entregent féminin a l'air d'un hot dog? C'est exact. Une fois qu'il y a quelque chose dedans, la mayonnaise. Donc, c'est une fête qui est particulièrement vénérée, une tradition vénérée. Dégueu, parce que d'habitude, moi, je mets du ketchup avec ma mayo. Donc, particulièrement pour une noix, ça commémore à ce moment-là, en 1775, à la même date, donc le jour où George Washington a planté des arbres de pacane au Mont Vernon, qui lui avait été donné par Thomas Jefferson. Pousse dans les arbres, ça? Apparemment. Je pensais que c'était des écureuils, moi, qui... Je sais pas... Que non, je dis n'importe quoi. Je pensais que c'était à cause de Barack Obama. Yes, we pecan. Yes, we can. Ah, peut-être. Ouais. Le 29 mars, c'est... ben, en fait, c'est pas vraiment bidon. C'est l'heure de la Terre. Tu te rappelles l'heure où... C'est juste une heure? L'Earth Hour. Où on laisse les lumières fermées. Donc, c'est un mouvement qui a démarré grâce à la population mondiale pour promouvoir la conservation. Porter l'attention sur les changements climatiques. Donc l'Earth Hour encourage ses participants à éteindre toutes les lumières qui ne sont pas essentielles pendant une heure. C'est un événement organisé par le World Wide Fund for Nature qui a débuté en 2007 à Sydney en Australie. Mais depuis ce temps-là, ça s'est éparpillé à 4000 villes partout dans le monde. Et cette année, l'heure où on éteint les lumières sera entre 20h30 et 21h30, heure locale. Ah! Donc le partout dans le monde. Local de chacun, chaque place. Tout en camon, tout en chacun. Ben, c'est sûr qu'à midi, c'est rare qu'il y ait plein de lumières d'allumées chez vrai, les ça. Gens. C'est vrai ça. Donc entre 20h30 et 21h30, ça tombe en plein entre deux émissions, ça. Comment allez-vous faire pour... Ça veut dire que sortez votre snack tout de suite du frigo. Parce qu'il y a une lumière dans le frigo, là. Ah, t'as raison, faut pas allumer la lumière du frigo. Hey, tu penses à tout. Le 30 mars, c'est la journée des docteurs, donc des médecins. Est-ce que c'est vraiment médecin ou c'est docteur en général? Je crois que c'est docteur en général. Ok, parce que là, il y a un stéthoscope, je trouve ça réducteur. Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu, inapproprié. Voilà, pour tous. C'est horrible. Ça n'angle pas tout le monde. En plus, c'est clairement un homme à cravate. Ah, ça n'a pas de bon sens, ses le mains sexiste. Sont masculines. Il devrait pas y avoir de mains, ça devrait être juste un sarrau, unisexe. Et. Ensuite... Pas de photo! Pas de photo! Un coucher de soleil qui est drapeau américain. c'est symbolisé par une petite fleur rouge, un carnation. C'est évidemment. Évidemment, un lait évaporé. Hein. Merci Google, clairement. Donc, c'est symbolisé par un lait évaporé rouge, Steph, qu'on porte sur son sarrau. Non, c'est une petite fleur, là. C'est la carnation, là. Je sais pas, il y a un mot en français pour ça. Un bouquet d'œillets, voilà, des œillets. Des œillets, ah ouais. Donc, c'est, ça rend hommage à nos physiciens. Ça dit officier de la nation, donc américaine. C'est annuel depuis 1933. Donc voilà pour la liste des événements qu'on peut célébrer pendant le mois de mars. Voilà. J'imagine vraiment le petit symbole du lait évaporé serait marrant. Non, faut que tu t'épingles une canne. Oui. Après ton chest. C'est ça. Ah boy. Après ton sac d'école pour commémorer cette journée. Tellement. Et pour commémorer maintenant le 25 mars, qui est la journée nationale du Pacan, voici Pagan Day. Ça n'a absolument rien à voir, mais on se trouve bien drôle. Par Pai Pai d'Ensemble à jouer qui est sur ses fous. Pie Pie, Pagan Day, en l'honneur de la journée du Pacan, mais pas vraiment en même temps. Au retour, la chronique dans les coulisses de la lutte avec Gabriel Béaud, et plus tard, les candidats aux élections de la GAQTR s'en viennent à 8h30. Puis après ça, ben, c'est une grosse pointe en dress, ça n'arrête plus. N'arrête plus. Ils sont de fous, ça. Non, non, reste ici. Ils sont de fous. On mange. Drogué, ouais. Fou de spectacle. Vous êtes dans la zone 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous êtes à Assemblage Rookie, émission matinale en pièces détachées. On est mardi 17 mars, c'est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plan. Oui, tu sais, Stéphanie, hier soir, c'était le match de la lutte dans le Dôme. Là. Mm-hmm. On va parler avec Gabriel Béaud dans quelques instants, mais le reste de la semaine, mardi, mercredi et jeudi, c'est là que ça se passe, côté musique dans le Dôme. Oh que oui! Ça va être incroyable! Et ce soir, c'est la soirée hip-hop qui va débuter à 21h et ça va se terminer au petit jour du matin avec À la claire ensemble, Lord Larry Adjust et DJ Martin Côté en fin de soirée. Les billets sont en vente jusqu'à 18h le soir du spectacle. Si vous passez par la page Facebook en tapant le Dôme, c'est fou. C'est 7$ pour les étudiants, 10$ pour les non-étudiants. Et à la porte, s'il reste des billets, ça va être 10$ et 13$. L'ouverture des portes est à 20h. Donc, c'est la première édition du Dôme, c'est fou. Et pour se mettre un petit peu dedans, écoutons Lord Larry Adjust. Voici Rien ne va plus. Et après ça, c'est Gabriel Béaud et dans les coulisses de la lutte. Marcher vers le son, blinded by the lights. Chercher la même chanson, my whole damn life. Une symphonie, but I we spent money. Mais c'est rien comme ce qu'on m'avait promis. Dans toutes ces fucking models, man, they all look the same. Toutes ces chambres 212, man, they all look the same. Toutes ces champagne bottles, y'a plus rien qui goûte, plus rien. Non, rien, ne va plus, rien. Ne va plus, ne va plus, ne va plus, ne va plus, ne va plus, ne va plus, ne va plus, ne va plus. Life, rockstar, bum life, rockstar. Cheap champagne sur le custard. Met a sans papa sur le Doc Martin singing. Something in a way, something in a way. Something in a way, something in a way. And I'm back again. Les mêmes flammes qui m'embrassent again. Mains tremblent quand j'en parle again. Cinq sens qui s'enfagent again. J'ai voulu peindre le ciel, voir la vie en bleu. Trop de drogue, vision blurred. My life's a mess, I kinda like it. Blinded by the lights pour un premier de Marty, man. Axel Rose is the god of rap. Les fuckboys marchent un char de mal. Jean Leloup, one eye white girl qui fait du kitesurf après un car de crack. Rock and roll, I be the god of that. Guacamole, these sort the bugs and lag. With the largest stack in the back pocket. Then me black leather pants, all American Manson. J'ai marché vers le son, blinded by the lights. J'ai tout laissé derrière, j'voulais vivre rêve. But they don't give a fuck, that's what I realized. J'ai 26 ans pis j'm'en vais droit au cimetière. J'préfère mourir que vieillir, man, that shit is dope. J'préfère mourir que vieillir, man, that shit is dope. Nothing to lose, this game will rap devient my fucking épouse. Fucking with me, I'm fucking with you. Tu m'connais pas, man, t'es pas dans mes shoes. Tu m'connais pas, man, t'es pas dans mes shoes. Tu m'connais pas, man, t'es pas dans mes shoes. Fucking with me, I'm fucking with you. Tu m'connais pas, man, t'es pas dans mes shoes. Tous les jours, la même chose, je me demande où est passée ma jeunesse. Tous les jours, la même chose, je me demande où est passée ma jeunesse. Marcher vers le son, blinded by the lights. Chercher la même chanson, my whole damn life. Une symphonie, but I we spent money. Mais c'est rien comme ce qu'on m'avait promis. Dans toutes ces fucking models, man, they all look the same. Toutes ces chambres 212, man, they all look the same. Toutes ces champagne bottles, y'a plus rien qui goûte, plus rien. Non, rien, ne va plus, rien. Ne va plus, ne va plus, ne va plus, ne va plus. Va plus, va plus, va plus, va plus, va plus. went nutcase pour une caisse claire, tombé pour un baseline. Went poor, impur, rien que pour le perfect rhyme. J'ai fait un rêve où je refais une vie. Brand new payroll, same old gang pour ce qui est du dos. Slide bémol, si on a fait comme si, moins haut de gamme. On a joué au dur, got a couple scratch. When tables turn, mille piédestals sur le pedal steel. Triste mélodie, devenu label deal. J'ai fait un rêve où je refais une vie. Payer mes dues, it paid the bills. I cried a river, then play the bridge. Now, deliver, make me rich. Nutcase pour une caisse claire. Tombé pour un baseline. Went poor, ain't pure. Rien que pour le perfect rhyme. Juste pour le kick, un pied à terre. Still kids when it's playtime. Mon hi-hat, real high end. Tu peux pas te permettre de payer ma taille. Non, je l'ai joué live, brûlé sous les stage lights. Simplé, simplifié, impossible de changer l'air. I made up lies and made a life. J'y ai cru dans mes meilleurs lines. Dieu cru aussi, une main en l'air. We are blinded by the lights. By the lights, by the lights, by the lights, by the lights, by the lights, by the lights, by the lights, by the lights. Marché vers le son, blinded by the lights. Chercher la même chanson, my whole damn life. Damn life. Larry Adjust et la pièce Rien ne va plus. On rappelle le spectacle qui est ce soir à 21h dans le Dôme. C'est fou. Les billets sont sur lepointdevente.com. Allez voir la page Facebook pour en savoir plus. Parlant de Dôme, hier soir dans le Dôme, lundi soir, c'est toujours l'impro de la Luître qui était dans le Dôme cette fois-ci. Donc voici dans les coulisses de la Luître. Bonsoir Gabriel Bioud. Bonsoir Mathieu Plante. Hey boy. Yay, c'est Gabriel Bioud. Ça va bien vous? Ça va très bien. Ouais. Number one, numéro un. Excellente. Oh, ouais, excellente, hein, c'est ça? Oui. Tu parles italien, je pense, en plus. Exactement. De l'espagnol. Tu mélanges les deux. Bien sûr. Donc, on te retrouve toutes les semaines pour dans les coulisses de la Luître. Habituellement, on irait rejoindre ton collègue sur le terrain, Gabriel Boutant-Trayoud. Certainement, mais hier, il était pas là parce qu'il y avait beaucoup trop d'action. Ben, c'est ça, il y avait pas dôme. De place. Ben non. Sous le dôme, c'était le match Poké-Luître. Exact. Raconte-nous donc ça, l'histoire, la petite histoire du Poké-Luître. Aïe, aïe, aïe. Ben là, faut que je fasse en dedans de le moins de temps possible. En dedans de 45 ça. Minutes. Bon, ben parfait. Écoutez bien ça. La Poké-Luître, en fait, là, c'était comme un match qui est pas du tout régulier. Non. En fait, il va y avoir 4 entraîneurs. Ben, il y avait 4 entraîneurs. Ouais. Les 4 entraîneurs sont des entraîneurs qui sont tirés de Pokémon. Puis eux, ben, ils formaient leur équipe de Pokémon, qui sont des Pokémon, ben c'est pas compliqué, c'était des improvisateurs. Ils les capturaient. Oh mon coquin, toi, ouais, je l'avais pas vu venir. Et tout le monde participait dans la Luître, absolument tout le monde ouais, qui exact. Était disponible a participé. Certainement. Et ils se sont fait capturer en secret, ils pouvaient pas avouer qui non, était leur entraîneur. Non, on savait pas avec qui on jouait. Mm-hmm. Donc jusqu'à la dernière seconde, on l'a appris hier comme quelques minutes avant le match. On a su qui étaient les entraîneurs quand ils sont venus dans le bureau pour se changer en leur costume. Exact. Et on avait 4 entraîneurs des plus populaires dans la communauté de l'improvisation. Certainement, c'est tous des anciens joueurs de la Luître. Je pense que c'en est tous en fait. Ouais. Oui. Donc c'était des anciens joueurs de la Luître. Est-ce qu'on les nomme? Ben oui. Est-ce que c'était les noms de leurs personnages? Ben moi je peux te nommer les noms des personnages. Ah, vas-y. Dans le fond, il y avait le lieutenant Sarge. Ouais. Qui était joué par Joe Côté. Jonathan Côté, un ancien de la Luître. Oui, oui, oui. Il y avait Bug Catcher. Ça, c'était. Est-ce que c'était Élodie Mongrain? Avec ouais, ses ouais. petites shorts rouges, elle qui est arbitre habituellement. Exactement. On avait Gary Oakes. Ça, c'est Benoît Pedneault, ben oui. Et de oui. la Lime. Exactement. Oui. Et puis, on avait Burglaire 8, qui est notre autre arbitre d'habitude, Maxime Tanguy. Et voilà, qui portait la moustache et le masque de carton. Pardon? Exactement. Et chacun avait choisi 4 joueurs. Oui, c'est ça. Donc, je peux te dire la composition des équipes. Caroline, oui. Mais dans le fond, le lieutenant-sœur, déjà, il s'était composé une équipe vraiment de mâles de l'armée. Il y avait Marc Lachance, Antoine Acasse, Jeff Latour et Marc-André Flamand-Marion. Ils se sont rendus jusqu'en finale, en fait. C'était un tournoi à simple élimination. À la façon basketball, un peu, genre bracket. Là, t'avais deux équipes en haut, deux équipes en bas, puis chacune des deux, après ça, s'affrontait dans les gagnants, puis ça faisait un gagnant. C'est en plein ça. Voilà. Puis, durant le déroulement des matchs, en fait, là, c'était toujours des impros qui étaient mixtes. Donc, les deux équipes jouaient ensemble. Et toujours avec un joueur de départ. Exact. Donc, les joueurs de départ, c'était comme le premier Pokémon désigné pour le combat. Donc, si l'entraîneur perdait le combat, eh bien, ce joueur-là était mouru. Complètement éliminé, mais on a appris au courant de la soirée que la mort ne changeait pas grand-chose parce qu'il y avait un Maxi Reviver, genre, comment yes. on appelle ça. Oh, on ouais. pouvait ramener un joueur n'importe quand dans la partie, donc dans la demi-portion avant la finale. C'est ça. Tout le monde sortait son Maxi Reviver après une seule sortie d'un joueur important. Exact. C'était pas long. Ben, c'est ça, comme par exemple, Fred Bernard est mort aux premières improvisations, qui jouait pour Burglar, ben, il est revivu comme une impro plus tard. C'est ça. Donc, ben, je vais continuer à te nommer les équipes. Okay. Je pense que c'était bien d'expliquer là, pour les auditeurs qui ne connaissaient pas du tout le principe. On amène des informations pendant que tu jases, fait qu'on y va une équipe exact. À la fois, puis on a quelque chose à dire après. Ça. C'est ça. C'est ça. L'équipe de Bug Catcher, qui est dans le fond d'Elodie, il y avait William Drapeau, Vanessa Fortier, Alexandre Ramizwicki, puis Alex Marchand. Mm-hmm. Donc, eux, ben, c'était des petites bestioles, là. Ils ont vraiment très bien joué, mais ils n'ont pas passé le premier tour, malheureusement. Ils affrontaient Burglar. Donc, ils affrontaient Maxime Tanguy, c'est ça? Ouais, donc c'était un match arbitre contre arbitre. Exact. Et puis, ben, l'équipe de Burglar 8, il y avait moi-même, Philippe Grenier, Vincent Rainville et Frédéric Bernard. Mm-hmm. Donc, ça, c'était l'équipe de Maxime Tanguy, okay. les Burglar. Ensuite, il y avait l'équipe de Gary Oaks. Puis ça, moi, j'ai trouvé ça particulièrement rigolo comme idée. Gary Oaks, son équipe, ce n'était que des filles. Oui! Il était ses cheerleaders. Comme dans le premier épisode de tout de Pokémon. Là. Il y avait des pom-pom, mais pas fait à partir de pom-pom. C'était fait à partir de jupe hawaïenne, je pense, qu'on genre. A coupé au ciseau. Mais ça a très bien été, ça a très bien passé. Une équipe féminine, mm-hmm. elle s'est rendue où, celle-là? Ben, ils n'ont pas passé le premier tour non plus. Ah. Donc, c'est ça, en finale, là, c'est Burglar 8 qui a affronté le lieutenant Sarge. Ouais. Et puis, Burglar 8 a triomphé en 3 matchs du 3-5. Donc, ça a été un blanchissage en règle. À chaque fois, c'est le 3-5, donc il n'y avait pas vraiment de possibilité d'égalité. Non, exact. C'était comme ça que ça fonctionnait. Et Maxime Tanguy, qui est très fier d'avoir... il a même, à la fin du match, gardé la pancarte avec les braquettes de Pokéball. Il a ramené ça chez eux. Tellement qu'il est fier d'avoir gagné la Pokélu. Il va la faire laminer et la poser au-dessus de son lit. Tellement. C'est ce que j'ai entendu dire. Hey, ça va te donner des fantasmes, là, avec des petits cartons et le velcro. Là. Ben oui. La twist qu'on n'a pas mentionné encore dans tout ça, c'est que, bon, ben, on a mentionné un petit peu que chacun avait des pouvoirs dans les Pokémon, mais c'est que chacun tirait un petit, une petite twist à avoir dans chacune des impros. En fait, dans, au moins une fois dans le demi-match. Ouais, exact. Ben, dans le fond, c'était comme l'attaque du Pokémon, c'était intéressant. On pigeait des trucs imposés au hasard. Donc, il y avait plusieurs catégories. Il y avait des contraintes, il y avait des personnages, il y avait du jeu physique, et puis il y avait du jeu psychique, je crois. Quelque chose comme ça. Mais c'est, mettons, bon, t'as pas le droit de bouger, t'as pas de bras pendant une impro. T'as un accent pendant la durée totale d'une impro, ou tu es un personnage de jeu vidéo. Oui. Tu bégayes tout le long. Exact. Ou... tu as un concombre. Oui. Ça, et un vrai concombre fourni sur scène. Ça, j'ai trouvé ça particulièrement rigolo, là, oui. comme idée. De pas fournir le lubrifiant, ouais, tout à fait. On avait aussi, pour terminer, mettons, qu'est-ce qui est intéressant, c'était. Ah oui, celui qui m'a impressionné, c'est Marc-André Marion Flamand, qui a eu à passer dans une impro chantée. Et on l'a pas vu venir parce que ça datait de vraiment loin qu'on avait appris son super pouvoir, son ouais, action. C'était vraiment la dernière impro. La dernière impro de la manche. C'était de sauter entre les jambes. De deux personnes. De deux personnes. Donc, il chantait à un moment donné, puis il s'est lancé, puis il a glissé sur la scène. C'était fabuleux. Mm-hmm. Et un autre de ces trucs qu'il avait à faire, c'était aussi de m'enlever mon micro pendant que je parlais et de dire quelque chose à la foule. Vendre son fruit. Vendre préféré. Son fruit. C'était quoi son fruit préféré, rappelle-tu? J'étais en caucus à ce moment-là. Ah, j'ai ça. Pas eu la chance de porter l'oreille. Sûrement les pom-pom. J'espère que c'était la banane. La banane! C'est vrai que c'est un bon fruit, la banane. C'est le meilleur. Tellement polyvalent. Quand il y a de la bonne texture, assez... c'est pas trop amer quand il est trop dur, tu sais. Non, ben, quand il est trop dur. Puis quand il est trop molle, c'est trop sucré pour une banane. Quand c'est trop sucré, là, tu peux en profiter pour mettre ça dans des muffins, dans des pains, c'est super polyvalent. Mm-hmm. Dans des smoothies. T'as raison, t'as raison. Ah ouais. C'est quoi sinon, à part de ça, votre fruit préféré, mettons, sans y aller dans la facilité de la banane, qu'on savait déjà que la c'était ça? La facilité de la banane. Ouais, ouais, mais là, mettons. Mon fruit préféré. Ouais. L'avocat. OK, oui, c'est vrai, c'est un c'est fruit. C'est full crémeux, full polyvalent. C'est vrai que c'est bon. Autant en dessert qu'en salade. Ouais. C'est une bonne question. J'ai jamais réfléchi à ça. Les petites baies, les fruits des champs. Moi, j'aime bien ça. Pour le genre, ouais, ben, des framboises, c'est assez exceptionnel. Des toasters churros, c'est petits fruits des fruits des champs, mais ouais, si, ça goûte bon, pas le genre de... les fruits. Non, mais ça goûte, ça goûte les fruits. Ça goûte pas les fruits. C'est les fruits qui goûtent pas les fruits. La toaster churros, c'est ça qui goûte les fruits. La vérité, c'est les toasters churros. Eh oui. Ça le dit, c'est des toasters churros. Voilà. C'est la vérité. C'est des churros. Sinon, les fraises du Québec torchent assez solide. C'est vrai que la saison des fraises, ou en fait, la saison des fruits en général. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Hey, achetez chez vos producteurs locaux. Vive les produits québécois locaux. Donc, c'est ça, le match a eu lieu de la Pokéluitre. Mm-hmm. Ça a bien fonctionné. Les gens aimaient ça. Il y avait après ça un iPod Battle. Oui. Qui a été gagné par Frédéric Bernard. Oui. Si je me rappelle bien. Qui a affronté plein de gens, entre autres. DJ Cuisto. DJ Cuisto. Comme le restaurant. Cuisto. Cuisto. Ouais. Non, j'ai jamais été là, moi. Non? Non. Moi, la place qu'il faut que j'essaye après mon prochain, j'ai essayé Patachou. J'ai trouvé ça exceptionnel. pour déjeuner ou juste comme restaurant en général? Une bonne poutine. Là. Ah ouais, pour vrai. Elle est écœurante, la poutine. C'est tentant. Mais l'autre place qu'il faut que j'aille éventuellement, c'est chez Maman Fournier. Je trouve ça tellement drôle comme nom de restaurant. J'ai jamais mis les pieds là. C'est bon, comme à la maison. Ah, c'est ça. Mais toi, avoue-le, là, Cuisto, là, t'étais sûr que c'était un bar de danseuse. Oh boy, le qui ouvre de bonheur. C'est ça. Ils servent pas de la boisson, ils servent du café. Le cuisto. Deux œufs bacon avec une dame. C'est ça. Ça marchait en plus comme concept, je suis sûr. Sûrement. Pour vrai, une parodie d'un restaurant, ça manque les parodies dans la vie, ça. Oui. Dans les noms de commerce, ça manque. Mm-hmm. Oui. Le cuisto. Mm-hmm. C'est parfait. Donc, un poké l'huître, et puis le super iPod Battle après ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire là-dessus? Il me semble que ça fait pas mal le tour. Ben, on fait pas mal le tour, en fait. C'est le fun, justement, que les gens se soient pointés pour le iPod Battle. Je crois qu'à date, c'était le deuxième de la saison, en fait, le premier de l'année. Oui, le premier était à la session d'automne. Exact. Et puis, ça remporte tout le temps un succès assez franc. Oui. Puis, c'est vraiment apprécié là, que les gens se déplacent. Merci beaucoup. Et puis, c'est souvent un très, très, très beau party. Ouais. En fait, les deux fois, ça a été la soirée. Et ce qui est le fun, c'est que les gens ont payé hier pour rentrer dans le dôme. C'était 3$ par personne. En plus, ils ont joué à l'impro en participant parce qu'on leur demandait d'agir dans certaines impros. Exact. Et en plus, ils ont aidé à tasser les chaises. Puis ils sont restés pour l'iPod Battle. Donc, on avait des fans vraiment. Ah, des vrais fans conquis, là. Des vrais. Des real ones. Des toasters churros. Exact. Comment c'est des vrais fans. Donc, prochain match, ça va être un match régulier. C'est lundi prochain, le 23 mars. Orange versus vert. C'est la dernière partie régulière. Donc, ça veut dire qu'après ça, c'est les finales, demi-finales. Les playoffs. Les séries éliminatoires. Fait que oui, ben ça va être super plaisant là, si vous pouvez vous déplacer lundi prochain. Le dernier match régulier qui oppose les oranges au vert. Là. Ça devrait être un très fort match. Arbitré par Maxime Tanguay. Exact. Que j'ai appris hier. Après ça, on va y aller avec la première demi-finale. Après ça, petit congé, une autre demi-finale, puis la finale. Fait que on arrive à la fin de la session. Là. Exact. Ça va finir le 20 avril, toute cette belle histoire-là de la Luitre. Évidemment, on suit la Luitre sur Facebook. Oui. Pour en savoir plus sur les matchs. Exactement. Puis il y a même un petit site sur l'UQTR, en fait. C'est uqtr.ca/impro. Tout à fait. Là-dessus, il y a les résumés de match. Exact. Il y a les résumés de match, les calendriers, des photos qui datent un brin, à moins qu'ils aient été updatés. Mais le sinon, classement aussi date des fois. Exact. Et puis, ben, on peut rencontrer les fiches de joueurs qui sont, ma foi, très drôles. Donc, si vous avez une chance d'aller voir ça avant photo, les playoffs. Leur photo, surtout, pour vraiment vous mettre la face et le nom de la personne dans votre tête. Oui, c'est un bon truc. C'est fantastique. Sinon, un autre bar de danseuse qui pourrait être une parodie d'un restaurant. Normandin. Ce serait un bar de danseurs normandais. Les hommes en dents. Non dedans, tu sais. Ouais. Des hommes en dedans, c'est des prisonniers. C'est un show de danseurs en habillé orange. À vieille prison. Ouais. À vieille prison de Trois-Rivières. Des hommes en dedans, voilà. J'ai fait ma demande de subvention pour Tourisme Québec, Tourisme Canada. OK. Et puis on va voir si ça va aboutir comme projet, mais ça a beaucoup, beaucoup de potentiel. Il y a des chances. Mm-hmm. Ah, ouais. Parce que je veux dire, c'est pas là qu'il manque de barreaux pour danser ou de poteaux. Là, c'est vrai. Dans une prison. Là. Une danse de poteau, mais c'est juste genre, ah, là, ça va sortir. Ah. Au secours! Non, c'est. Ouais, Mais moi, là, j'avais une question, je m'en venais, puis je me disais, j'aimerais ça lui poser ça comme question. Parce qu'on sait que Pokémon, là, ouais. qui est un RPG, là, en fait. Un jeu de rôle massivement multijoueur et en ligne. Non, c'est MMO RPG, il n'y a pas dit ça, là. Non, c'est seulement un RPG. Allô? Allô? Ah, non, tu connais rien. Vie dans les années 90, man. Je me demandais, c'est quoi votre RPG favori? Je sais que les deux, vous êtes probablement des gamers. Moi, je suis MMO, ça rentre-tu là-dedans? On peut dire. Donc là, tu vas me sortir World of Warcraft. Ouais. Pas mal ça, ouais. J'aime pas les jeux de rôle. J'aime pas ça du tout. T'aimes les pas. Jeux tristes? Non. Les jeux de rôle? Les Tetris, peut-être? Non. Oh là là. T'aimes pas ça, les jeux? J'aime pas les jeux de rôle du tout. J'aime les jeux de plateforme, les puzzles, d'aventure, peut-être d'action-aventure. Mais c'est pas mal là que ça s'arrête. Là. RPG, j'ai jadis trippé énormément sur Fable, mais là, j'ai pas d'Xbox, donc je pouvais pas jouer à ça. Mais ça me rappelle des beaux moments de cégep. Fable, c'était drôle, c'était le premier jeu où tu pouvais comme grossir. Et ah, c'était écœurant. Si tu t'empifferais, tu grossais, puis là, t'avais des missions. Mais où faut tu pas que tu manges faire. De poussins, sinon tu deviens méchant. Ah, ouais, c'est ça. Tu pouvais kicker les poules. Hey, dans Zelda, tu pouvais pogner les petites poules aussi. Puis leur, ouais, au 64, dans Ocarina, ouais. Tu pouvais péter les poules. Puis finalement, à un moment donné, ils se rebellaient toute la gang. Puis il y avait une attaque de poules. Ouais, ouais. Ah, malade. T'es hey, dernier jeu de mots, là, je sais qu'on va d'un sujet à l'autre de Pokémon à des jeux de mots. Mais un autre bar de danseurs inspiré d'un restaurant. Vas-y donc, Mathieu. Ce serait Maman Fournier comme des foufounes. Oh! Maman Foufounier. Maman Foufounier. Ah, c'est encore mieux. Ben comme ouais. À la maison. C'est ça le slogan. Tu gardes le slogan. C'est bon. Comme à la maison. Okay. Merci, Gabriel Béhoud. Ça fait plaisir. À la semaine prochaine. Oui. Pour une autre coulisse de la lutte, t'es pas? J'ai assez hâte. J'ai assez hâte. Comme dit la gendarmerie royale. J'ai assez hâte. Nouveau slogan pour eux autres. Hey, on est en feu, c'est slogan. Matin. On va passer à la pause. Dans quelques instants, on va parler avec des candidats aux élections de la GEQTR. Mais avant ça, on retourne dans le dôme. Le spectacle de ce soir, on avait dit qu'il y avait Lord Larry Adjust, mais aussi à la claire ensemble. Voici Saint-Roch. Assemblage requis. Sans son billet pour les abattoirs. On fout la marde dans les délits. Pis nos bellies sont call out comme s'il y avait déjà fini de chiffre soir. Les têtes d'eau finissent en manteau. Une autre tête des Gino qui vient tinto dans le pinto. Huh, Emmanuel Maes, Craig Diggin. Un autre remix à la Claire Fontaine, Brigitte. C'est rock, c'est rock, c'est rock, c'est rock, c'est rock. Babner, rap éloquent, c'est Joseph, Bibliothèque Gabriel, le roi enchaîne les grosses dettes. T'as jamais ramené tes livres dans les coins de la brasse ville. Les gens normaux sont des cheese, les témoins se tiennent tranquilles. Les gens normaux ont des peace. Yeah. Chillin' sur la rue du Pont Steez, rollin' up du ton weed, stackin' up du bon cheese, rockin' roll funky, cinéma genre rest in peace. Quand j'étais petit, j'allais là-bas, pas fait du green, du hard movie. V'là d'un gros tisson. juste devant chez Joe Dion. Coin de la patate, studio de rap kept dans un appart. L'underground de Sainte-Roche en dessous de la marche. Je suis sur le track, don't like it, pluck it up on a cop. Je viens pas de Saint-Roch and I don't give a fuck. Je viens de place de Montréal, similaire à Saint-Roch. Puis j'y prenais souvent des marches ou le boss quand j'habitais proche. Mais you know, assis sur 20K, jeune tout le temps sur ma gloire. 8 années passèrent, des nouveaux nice stores, mais plein de monde cassé. Plein de bizarres prostitutes, always on tour. En temps de guerre, y'a plus de bière, jet au Senerco. 24-7 sun, on hustle fort. Toujours à la quête de dinero. Tu pensais que je connaissais pas le nord, ça s'est avéré faux. Kick la porte, you wake le fofo. Charge Rougarino, après j'guilde les hosties de rivaux. Pis je libère toutes les people dans les prisons sauf les evil. Y'aura pas de mini-sequel quand je free flow pour un giro. Pis que je bother personne, mais tout le monde agit sinon. À la claire ensemble et Saint-Roch, c'est dans le dôme, c'est fou ce soir à 21h. Les billets sont sur le pointdevente.com. Au retour, les entrevues avec les candidats à l'élection générale de l'UQTR. Ça revient dans quelques instants. J'ai appris récemment que c'était une élection générale, non pas les élections générales. Fait que j'essaie de le dire comme ça. J'essaie, mais je suis pas. Au retour. Fou de passion. C'est fou, 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Vous êtes toujours à Assemblage requis en ce mardi 17 mars 2015. C'est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Mm-hmm. Et depuis hier et pour les prochains jours, en fait jusqu'au 23, le jour du début du vote, on reçoit des candidats pour l'élection générale de la GQTR. Et à chaque jour, on reçoit quelqu'un de différent pour mener l'ensemble de ces troupes-là. Et aujourd'hui, on reçoit Jérémy Gosselin. Bonjour, Jérémy. Bonjour. Ça va? Oui, ça va bien, toi? Oui, très bien. Merci d'être avec nous. Et on va parler avec toi pour commencer de la procédure de tout ça. Parce qu'il s'en passe des dates. Il y a des dates à retenir là-dedans. Oui, effectivement. On commence avec le 19 mars, donc après-demain, ça c'est quoi, jeudi, où il y a une conférence de presse. Oui, il va y avoir une conférence de presse au local 10-12 à 10h. On a invité l'ensemble des médias de la région de la Mauricie pour essayer de faire la promotion en fait des élections générales. Donc pour que ça ressorte un peu là, à l'extérieur du campus là, à l'extérieur mettre par exemple des médias comme C'est fou et les ondes campus. Donc nous on est les premiers évidemment, les meilleurs, et ensuite effectivement, les autres toujours, ouais. Toujours à l'avant-garde. Exactement. Ensuite le 23 mars 16h, c'est le débat à la Chasse-Galerie. Oui, le 23 mars à la Chasse-Galerie à 16h, il va avoir l'ensemble des candidats qui vont être présents. Ça va être l'occasion aussi, nous en tant que le comité électoral, on a déjà préparé des questions pour les candidats. Mais aussi, ça va être l'occasion pour les étudiants aussi de poser leurs questions à la toute fin là, du débat pour qu'ils puissent poser leurs questions. Et voilà. Et apparemment qu'un facteur intéressant est la pizza gratuite. Oui, effectivement. Effectivement. Ensuite, période de vote, toujours le 23 mars, ça commence à 23h45. Oui, ça commence à 23h45 le lundi 23 mars et ça se termine le 26 mars à 23h45. Le vote peut se faire à partir du portail étudiant. Il y a un onglet... à droite du portail étudiant en vert, ça va être marqué « Voter ici ». Puis on va aussi rendre disponibles des iPads au poste K1 et K2 en face de la bibliothèque pour permettre aux étudiants de voter. Intéressant, ça. Ouais. Et finalement, les candidats gagnants vont être dévoilés le 27 mars. C'est exact. Le 27 mars, à la Chasse-Galerie, à midi, on va faire mention des candidats qui ont gagné et on va faire mention du taux de participation de l'élection générale de 2015. C'est quoi l'objectif cette année? 15%. 15%. L'année passée étant le taux de vote de 6%. Ouais, c'était le vote le plus bas de l'histoire que je connais, en tout cas, de l'OGM. C'est exact. Alors, on essaie de monter ça cette année. D'où les affiches et le côté marketing, Darth Vader et Poutine. Tu peux pas vraiment manquer ton coup. Bon, honnêtement, ça peut pas être pire, là. Ça peut difficilement être pire. C'est ce qu'on souhaite. Mettons que tu vas gagner quelque chose. On souhaite que ce soit pas pire, effectivement. C'est ça. Donc, je pense qu'on va commencer aujourd'hui avec notre première participante, cobaye, candidate du mardi, qui est la seule, en fait, qui se présente au poste finance et développement. C'est Myriam Beauchamp. Bonjour à toi. Bonjour. Merci d'être avec nous, toi aussi. Ça fait plaisir. Génial. On a 4 questions à poser, toujours dans le même ordre, de la même façon. On n'a pas le droit de dévier de tout ça. Et c'est Stéphanie et moi qui allons lire les questions. Mm-hmm. Stéphanie, je te laisse commencer. Parfait. Donc, je voudrais commencer en te demandant pourquoi tu as décidé de te présenter aux élections de la GEQTR. En fait, cette année, j'occupe présentement le poste de VP socioculturel. Puis je variais beaucoup dans mes tâches déjà et j'étudiais en ressources humaines. Puis le poste de BP Finance s'occupe beaucoup des ressources humaines en plus des finances. Donc, étant donné que c'est aussi mon champ d'études, j'ai eu des cours en finance, en comptabilité. Donc, ça touche autant mes connaissances, ça touche autant aussi mes intérêts. Donc, puis la GA me tient beaucoup à cœur encore, oui. Donc je veux rester. Je pense que ce que tu viens de répondre là va répondre un peu en partie à la deuxième question, qui est: quelles sont tes expériences antérieures du côté de l'application étudiante ou toutes tes autres implications jusqu'à maintenant? Implication étudiante, en fait, ma deuxième année à l'université, je me suis impliquée au sein de la SK, qui est mon association, et en tant que VP événementiel. Ensuite, les autres années d'après, je me suis inclue au sein de la GE, je me suis intéressée à Complice, j'ai fait bénévole pour écouter en spectacle. En fait, j'ai fait beaucoup de bénévolat. Malheureusement, j'ai pas ma liste avec moi. Okay. Mais j'ai fait beaucoup de bénévolat, comme... malheureusement. C'était bizarre comme phrase. Non, mais en fait, tu sais, la phrase « je suis juste bénévole pour l'activité », ben il y en a qui disent « arrête de dire ça, c'est quand même gros être bénévole, ouais, ouais. T'aides à l'activité et tout. » Donc, j'essaie de travailler là-dessus. Mais... c'est ça. Ensuite, selon toi, qu'est-ce qui distingue un excellent officier d'un officier correct? Bonne question. J'irais avec le fait que, mettons, un officier, nous autres, on est supposé de faire à peu près du 20 heures semaine. C'est sûr qu'avec du 20 heures semaine, j'aurais eu de la misère avec tout arriver à temps dans mes événements, aussi bien les coordonnées et tout. Surtout que je rentrais en septembre, l'été était déjà passé et tout. Puis moi, je mettrais ça comme un officier qui fait un peu plus que son travail au lieu d'un officier ordinaire. Un officier ordinaire, c'est quelqu'un qui se tient à sa tâche, qui n'est pas intéressé vraiment à faire plus que qu'est-ce qu'il est supposé de faire dans ses tâches qui était déjà dédiées. Puis qui montre de l'enthousiasme aussi dans ce qu'il fait. Il fait pas juste ça pour les mauvaises raisons ou peu importe. Ah, et pour terminer, quels sont les atouts nécessaires pour combler le poste sur lequel tu as posé ta candidature? De ce que je vois présentement avec Christian Junior Bourdon qui occupe présentement le poste, c'est sûr que la capacité de négociatrice, le fait d'être VP Finance, ça fait que tu gères les budgets, donc ça va être de faire des accords avec le monde qui ont besoin de plus d'argent, mais qui gestion financière ne peut peut-être pas le permettre ou ça va être beaucoup de faire la gestion à ce point-là. Et hors tout ce qui est financier, les ressources humaines aussi, c'est on a des employés, ils font une super de bonne job, donc ça va être aussi de travailler à s'assurer qu'ils sont bien aussi à travailler pour nous autres, puis ils travaillent aussi pour les étudiants, donc c'est quand même un aspect important. Ben voilà, ça répond à nos quatre questions. Hey, hein? C'est pas trop difficile, passe au travers. Oh oui, ça réveille le matin. J'ai pas fait de gag de vu que t'as parlé d'accord d'affaires, j'aurais pu faire un accord genre mai 20 puis dire genre t'es comme les pastilles de tout, genre. Hey, pastilles de goût. Non, j'ai pas fait ça. Mais non, tu l'as. J'ai pas assez proche. Non, c'est le genre de truc que t'es capable de garder pour toi. Que je garde à l'intérieur. Ouais. Donc, Myriam Beauchamp, qui est la seule à appliquer, en fait, à être sur le poste de finance et développement. Donc, votre futur VP finance et développement, inévitablement, à moins que les gens votent pour la chaise. Donc, on se le souhaite pas. Bonne chance, Myriam Beauchamp, finance et développement. Merci beaucoup. Hey, merci à vous. Dans quelques instants, on va recevoir deux personnes qui appliquent sur socioculturel, Cathy Simon et David Redmond. Ça s'en vient dans quelques instants, mais avant ça, voici Elliot Maginot et Young and Old. Sont si fous. c'était Young Old par Elliot Maginot à Assemblage Requis. On est toujours dans le bloc sur les élections, à la GEQTA, l'élection. Et on a deux candidats, on va les recevoir un à la fois, chacun son tour, mais c'est deux personnes qui sont sur le poste de VP socio-culturel. Et on débute avec Cathy Simon, bonjour à toi. Bonjour. Ça va? Ça va bien, vous? Oui, très bien, merci. On a quatre questions pour toi, que tu ne connais pas à l'avance, comme tous les autres candidats. Donc on va te les poser dans l'ordre, de la même façon, sans aucune intonation. Il y en a déjà une de passée, c'était comment vas-tu? c'est la question zéro, en fait. C'était la plus difficile. Première, donc, question officielle. Pourquoi as-tu décidé de te présenter aux élections de l'AGEQTR? Parce que je m'implique à la GEQTR depuis que je suis rentrée à l'université, donc depuis 2011. Et dans le fond, depuis l'année passée, depuis février 2014, que je suis présentement aux communications de la GEQTR. Donc, c'était tout naturel pour moi de vouloir continuer. Et quelles sont tes expériences antérieures du côté de l'implication étudiante, autre que la GEQTR, bien entendu, ou toute autre implication... pertinente. Ouais, pas étudiante. Mais je m'implique aussi énormément depuis que je suis rentrée à l'université, à part la GEQTR. Donc, on parle de carnaval, UQTR en spectacle, les jeux de la communication, tout ça depuis 2011. À l'extérieur, je m'implique aussi beaucoup en politique. Donc, je m'implique pas mal, tout le temps que j'ai, sert à de l'implication en général. Qu'est-ce qui distingue un excellent officier d'un officier correct? Oh, bonne question. Un excellent officier, c'est quelqu'un qui va être toujours à la tâche, qui va être tout le temps là pour répondre à ses membres. Quelqu'un qui est correct, c'est quelqu'un qui va être présent, mais qui répondra pas nécessairement à toutes les demandes des étudiants. Et finalement, quels sont les atouts nécessaires pour combler le poste sur lequel tu as posé ta candidature plus spécifiquement? Les atouts nécessaires, c'est quelqu'un d'organisé, quelqu'un qui sait gérer son agenda, parce que c'est quand même un poste qui génère quand même beaucoup de tâches dans l'organisation d'événements. Donc, moi, je trouve que c'est quelqu'un qui doit avoir beaucoup d'expérience en gestion et en organisation de son temps. Voilà. Tu vois, en parlant d'organisation de son temps, c'est la personne qui a répondu en moins de temps jusqu'à maintenant. Concis, complet, voilà. Une minute et quart. Je sais ce que je veux. C'est ça. C'est parfait, on te retient pour ça. Donc, Cathy Simon, qui se présente au poste de VP socio-culturel. Elle affronte David Redman, qu'on va recevoir, en fait, on pourrait le recevoir à l'instant, si tout va bien. Donc, David Redman, tout toujours sur le poste, oui, de socio-culturel. Donc, bonjour à toi, David. Bonjour. Oui, ça fait précipiter comme ça de te lancer dans le micro, mais bonjour à toi. Donc, on a encore une fois les mêmes quatre questions. Comme tout le monde, c'est comme s'il portait des écouteurs à la guerre des clans, puis il était la deuxième personne à répondre au sondage. Ouais, c'est ça. Je sais pas, est-ce qu'il dansait de l'autre côté? On ne sait pas. Je sais pas. On sait pas quelle musique on leur faisait jouer, mais on sait que c'était bon parce que c'était assez fou, j'imagine. Donc, on a quatre questions et c'est Stéphanie qui va commencer cette fois-ci. J'ai fait un petit bruit si jamais j'ai la même réponse que quelqu'un d'autre. Oui, ouais, c'est on ça. On va le faire à la main et okay. tu changes ta réponse. T'oublies la question zéro. Question comment zéro. Ça va? Comment ça va? Ça va très bien. Puis c'est vous, important. Ça va bien aujourd'hui aussi. Ça va très numéro bien. Ah, nous autres, on reçoit des candidats aux élections comme ça, puis on traite bien raide de vous connaître. Ben, c'est toujours le fun de savoir qu'est-ce qui se passe, puis c'est qui va se présenter pour les étudiants aussi au cours de la prochaine année. Là. Exactement, et mettre des visages sur les faces à la des radio. Des faces sur les faces, des faces sur les visages. Dessiner un visage sur chaque personne au Sharpie pour qu'il y ait une deuxième moustache. Face. Moustache. Donc, question numéro 1. Je pense qu'on va y aller, oui, avec les questions, là. On dérape. Je sais pas. Donc, oui, pourquoi as-tu décidé de te présenter aux élections de la GEQTR? La raison principale, c'est je suis fier d'être un étudiant de l'UQTR 1, puis je crois vraiment que c'est notre devoir si on veut que les choses changent. Souvent, on a tendance à entendre le monde dire « Ah, mais il n'y a rien qui se passe ici, il n'y a rien qui se passe. » Ben, moi, je pense qu'il faut qu'on agisse. Donc, moi, c'est un peu pour ça. Je veux agir, je veux permettre aux étudiants de pouvoir être fiers de venir de l'UQTR comme je peux l'être. Puis aussi, de pouvoir participer activement à la vie étudiante parce que c'est pas seulement avec des instances qu'on va créer une vie étudiante, c'est avec les étudiants à la base qu'on va aller les chercher. Donc, je crois être capable d'aller les chercher pour pouvoir avoir une belle vie étudiante. Quelles sont tes expériences antérieures du côté de l'application étudiante ou toute autre implication? Moi, ça remonte à loin. Récemment, j'étais à l'université au Nouveau-Brunswick, à Moncton. Puis là-bas, je me suis impliqué dans le journal étudiant. J'étais responsable du journal étudiant. J'ai fait beaucoup de radio aussi. Je m'occupais de l'émission du retour là-bas à la radio. Donc, je suis bien content d'avoir un micro devant moi en ce moment. Ça faisait longtemps. T'as encore la chance d'animer ici, on s'en parle. Oui. Sinon, j'ai aussi beaucoup impliqué dans différentes compétitions académiques, que ce soit les Jeux de la communication, tout comme mon adversaire Cathy. On s'est connus en faisant ça aussi dans le passé. Sinon, les Jeux du commerce aussi. Sinon, j'ai été président de l'Association des étudiants en sciences comptables et administratives à l'université ici. Donc, j'ai été président. Donc, c'est un peu ça. Moi, je suis toujours quelqu'un qui va toujours être présent, que ce soit pour des événements, pour faire du bénévolat, des différentes activités. J'aime aller encourager aussi les activités des autres assos pour aider encore une fois la vie étudiante là, à l'Uni. Là. Cool. Mm-hmm. Ensuite, selon toi, qu'est-ce qui distingue un excellent officier d'un officier correct? Premièrement, l'écoute. C'est à la base des officiers, les personnes qui sont officiers sont élues par les étudiants. Donc, à la base, c'est les étudiants ont des attentes par rapport à eux. Donc, il faut savoir qu'est-ce que les étudiants veulent. Parce que oui, je peux avoir mes idées, mais ça veut pas nécessairement dire que tout le monde va triper et adorer mes idées. Donc, c'est vraiment d'écouter les étudiants, d'être assidu aussi. Il y a des tâches que ça implique à être officier, que ce soit les rapports à fin du mois, les différents CA aussi à chaque mois ou les différents comités que chaque officier fait partie ou préside. Donc, c'est vraiment d'être présent pour les étudiants. Puis un bon officier va être capable aussi de reconnaître quand il se trompe. Des fois, il n'y a personne de parfait dans la vie, donc quand on se trompe, il faut être capable d'assumer nos erreurs. Puis un coup qu'on l'assume, ben là, on est sur la bonne track pour améliorer, puis pour pouvoir être un meilleur officier, je pourrais dire ça comme ça. Et pour terminer, quels sont les atouts nécessaires pour combler le poste sur lequel tu as posé ta candidature? Quelqu'un qui est extraverti, parce qu'à la base, c'est le VP socioculturel, c'est un peu la personne qui est responsable de la culture à l'université. Puis c'est un poste qui est quand même très important. Souvent, le monde, il pense moins à ce poste-là, mais c'est quand même lui, les choses qu'on se rappelle le plus quand on étudiant, ça va l'air niaiseux, mais c'est souvent les parties. Donc, est-ce que vous vous souvenez du show de la rentrée cette année? Moi, personnellement, j'ai trippé, j'ai vu Radio-Radio, puis j'ai adoré. Ouais. Donc, je vais me souvenir de ça. Donc, c'est différentes petites activités de même que moi, je crois que qu'en faisant, on va pouvoir créer un sentiment d'appartenance avec les étudiants. Puis c'est quelqu'un qui est capable d'aller rallier les étudiants, les convaincre que l'événement qui vont venir ou l'activité qu'ils vont participer, c'est quelque chose qu'ils vont pouvoir se rappeler toute leur vie. Puis aussi, avec le 40e cette année de l'AGE, ben s'il faut en profiter aussi, là, on est fiers, là, s'il faut se rappeler aussi de où ce qu'on vient et où ce qu'on s'en va surtout. Mm-hmm. Eh bien, ben voilà, les quatre questions bien répondues par David Redman, candidat au poste de VP socioculturel, qui affronte Cathy Simon, qu'on a reçue juste avant. Merci beaucoup à toi. Ben, merci à vous. Plaisir. Et on retourne à Jérémy Gosselin pour parler du processus de tout ça, encore une fois, pour rappeler les dates. Commençons par la conférence de presse, qui est le 19. Conférence de presse, jeudi le 19 mars à 10h au local 10-12 pour faire la promotion du processus électoral comme le débat. Mm-hmm. Le débat qui aura lieu le 23 mars à 16h à la Chasse-Galerie, où est-ce que la pizza sera bien sûr offerte. Oui. Et où est-ce que les étudiants pourront poser leurs questions. Accessoirement. La période de vote à partir de 23h45, ce même jour-là. Exactement, à partir de 23h45 le lundi jusqu'au jeudi soir, 23h45, sur le portail de cours, il va y avoir un onglet vert à droite sur le portail étudiant, où est-ce que ça va marquer voter ici. Et il va y avoir aussi des iPads disponibles au bureau K1 et K2 en face de la bibliothèque pour permettre aux étudiants de voter. Et finalement, le 27, ce sera le dévoilement des résultats à midi. Exactement. Dévoilement de quel candidat a gagné pour chacun des postes et du taux de participation au vote. Tout à fait. Donc, tout ça, évidemment, on va en reparler plusieurs fois. On va avoir deux autres blocs d'entrevues, une fois demain à 9h, où on va recevoir les candidats pour vie associative et environnement. Et finalement, lundi, le jour même du début du vote et du débat, on va recevoir les gens qui se présentent aux académiques de premier cycle et de cycle... non, c'est de cycle... Il y a juste premier cycle, finalement. Il n'y a pas cycle supérieur. Il n'y a personne sur ce poste-là. Et la personne qui se présente aux communications. Voilà. Oui, c'est exact. Ça, c'est lundi le 23 mars. Jérémy Gosselin, merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est moi qui vous remercie. Ça fait tout autant plaisir. Ben oui, c'est ça? Ben oui. Et demain, on va recevoir Mathieu Roy pour gérer tout ça. Voilà. Voilà. Merci. Bonne journée. Nous, on continue notre émission. Assemblage requis, nous reste une heure. Et même un petit peu, pas une heure, une demi-heure. Ouais, c'est ce que je raconte. Calme-toi, une heure. Une demi-heure, ça va faire le temps à utiliser de notre auditoire. On va être obligé de manger pendant une heure. Hein? Alors, ça va entendre Napalm Pam. Voici Get With Me à Assemblage requis. Puis appréciez donc ça, ouais. Ouais, oui, donc. Juste pour le fun. C'était Napalm Palm et Guided by Volume, un extrait alternatif du CD. On est habitué d'entendre Get With Me. Il y a une nouvelle entrée, Seamstress, on l'entendra éventuellement, mais c'était pas celle-là. T'sais. C'était pas celle-là. On prend une pause, au retour, c'est une grosse pointe All Dress où on goûte à un produit acheté dans le commerce et puis on parle de nouvelles fast-food. Mais avant ça, c'est l'Info Campus. Fou de découverte. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Assemblage requis, émission matinale en pièces détachées. Elle est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Blanc. Dans quelques instants, ce sera notre chronique Une grosse pointe en dresse, celle où on goûte des produits achetés dans un dépanneur ou dans une épicerie, sans trop regarder la provenance. La date d'expiration. Ou les ingrédients, ou la quantité de gras là-dedans. À la place, on regarde notre gras corporel augmenter à chaque semaine. Mais pour l'instant, on écoute Belle and Sebastian et leur nouvelle entrée du palmarès anglophone. Voici The Party Line. Of glory, I thought. C'était une nouvelle entrée. C'est ça, une nouvelle entrée de Belle and Sebastian. C'était The Party Line sur l'album Girls in Peacetime Wanna Dance. Ça nous amène à chaque semaine, les mardis, en fin d'émission, à faire soit une Master Steph ou une grosse pointe All Dress. C'est une grosse pointe d'adresse, c'est la grille dans laquelle on achète un produit dans un grand magasin, grande surface, un petit dépanneur, peu importe la grandeur de la place, mais on sait que c'est un produit qu'on devrait pas nécessairement s'acheter. On l'achète quand même et on y goûte en direct à la radio. Ouais. On vous aide à faire de meilleurs achats. C'est comme l'épicerie, mais version cheap. Effectivement. Sans aucun conseil. Aucun reportage. Absolument rien de pertinent. On développe pas. Aucun développement. Aucune personnalité non plus. On compare pas vraiment non plus... C'est aucunement comme l'épicerie, finalement. Mais à part le manger. C'est ça. Donc c'est aujourd'hui. Tu pour un copain de fille? Ouais. Et voilà. T'as raison. On était copain de fille? C'est vrai. Jusqu'à preuve du contraire. Un gars puis une fille, en me pointant un gars puis en te pointant une fille. C'est normal. Donc aujourd'hui, Steph, je te demande ton expérience buccale. En fait, qu'est-ce que t'as envie de manger? Parce que j'ai apporté de la gomme et j'ai apporté du chocolat. Ah, quelque chose qui s'avale. Du chocolat? Tu peux avaler ta gomme, c'est pas super constant. J'ai vraiment faim. On j'ai mangé, mais j'ai faim. J'ai faim. OK. J'ai faim. Ben, je sais pas si c'est super original, mais moi, je trouve elle m'a vraiment attiré. C'est petit! C'est quand même petit. Ça tient dans ta main? Oui, j'en ai juste une avec moi. J'ai pas mangé l'autre, ne t'en fais pas, mais j'étais pas sûr encore. Donc, c'est la Snickers Rockin' Nut Road. Ah? C'est intriguant quand même de regarder ça, parce que sur l'image, à l'avant, tu vois des noix, des amandes. On voit des noix. On voit des noix, des amandes ici. Ah ben oui. Et on voit quelque chose de blanc qu'on sait pas trop. On voit des noix, quelque chose de blanc. C'est pas une guimauve? Ben moi je pensais que c'était sûrement une guimauve. C'est de la guimauve. Ça ressemble à un s'mores. Mais c'est de la guimauve parce que tu sais souvent les road quelque chose là, souvent c'est avec des noix de chocolat, de la guimauve. Ouais. Fait la même. Oui, oui, oui, les crèmes glacées, entre autres, ouais, Rocky Road. Ouais, quelque chose comme ça. Tout à fait raison. Mais c'est ça, la raison que j'en ai juste une, parce que normalement, j'en ai ramené une pour chacun d'entre nous, c'est qu'à la base, je l'avais même pas acheté pour la chronique. J'avais pas réalisé que c'était probablement quelque chose que j'avais pas goûté. Ah. Fait que j'ai réussi à subsister sans manger cette barre de chocolat-là pendant comme 2 semaines. Ah, mais t'es super bon là, pour pas manger tes trucs. Là. Ton frigo, il est plein de cochonneries. J'ai tellement de volonté. Non, c'est pas non, ça. C'est juste aucune volonté à l'épicerie, puis après ça, tu te rends compte que t'as pas faim. C'est ça, exactement. Donc, il y a vraiment aucun détail sur une barre de chocolat Snickers, donc il y a rien à dire à part les 230 calories, puis je veux pas savoir ça. C'est fait par la compagnie Mars. Tu savais que les Snickers étaient faits par Mars? Non. Ben, au Canada. Mais pourquoi ils ont fait une barre de chocolat qui ressemble étrangement à l'autre barre de chocolat? Séparation, ségrégation du marché, 2 fois plus d'argent, je sais pas. Attends un peu. Sur le côté, petit. Sur le côté ici, en texte. Enrobage chocolaté foncé, amande, caramel, nougat, saveur de guimauve. Nougat et non pas de la guimauve. Je trouve ça bizarre. C'est ça. Plus consistant du nougat. Peut-être, ça se croque mieux. Peut-être. Peut-être quelque chose du genre. C'est tout pour les informations. Rien à dire de plus. Non, parce que le look, c'est Snickers standard. Ouais. C'est pas écrit nouveau là, dessus. Non. Ça veut juste dire que soit ils ont décidé de pas aller dans cette direction-là pour la promotion. De faire comme ça avait toujours existé. Ou que ça fait longtemps que ça existe puis qu'on a juste jamais vu ça. Je suis pas mal sûr que j'aurais remarqué ça, mais c'est possible. Il y en a tellement des barres de chocolat, ça se peut qu'on ait pas regardé partout dans chaque petit raccoin. Mais on va quand même nous la goûter. Le but, c'est pas nécessairement que ce soit un nouveau produit, mais c'est que ce soit quelque chose qu'on a jamais goûté nous et vous aider à peut-être vouloir l'acheter vous-même. Best before août 2015. Août! Get out of here! Donc, le micro magique va accueillir l'ouverture de l'emballage de cette Snickers Rockin' Nut Road. Ça a pas marché. Ça marche jamais, ça. D'un peu à TV, là, ils font juste twist, puis hop, le dessus est enlevé. C'est n'importe quoi. Ouais. Oh. Es-tu foncé? Ben oui, check ça, ma canne noire. Ah ben, viens ici, ma noire. Ah, regarde, il y a comme un dégât de nougat en dessous. Oui. On voit que ça a un petit peu sorti de nougat. Du moule. Oui. Ah, ouais, et voilà. Du nougat. Ah, t'as aussi dénudé ta barre de chocolat, tu l'as dénougat. Ouais, je vais essayer de la... Casse-moi ça. Ah, ça se casse bien. Tu vois, j'aurais pas pensé que ça allait casser. J'aurais préféré que tu la casses dans le micro magique. Ça a bien cassé. Ben, ça a pas fait de bruit. Hey, mais c'est full nougat. Oui. Je pensais pas que ça serait autant de nougat. On dirait un bon 80% nougat. Puis avec une bonne couche de caramel sur le top. C'est ce qu'il faut, hein. Le caramel, c'est ce qui fait la saveur dans bien des affaires parce que c'est très puissant. Ben oui. Très puissant. Un bon arrobage chocolaté. Je vois pas les noix à l'œil nu. Moi non plus. On a cassé au milieu et on a pas vu de noix. Moi, j'en ai peut-être un petit morceau ici, mais pour vrai, c'est très subtil. Sûrement que sinon, s'il y a trop de noix, t'as l'impression que c'est trop sec comme barre, peut-être. Ouais, c'est ça. T'as cassé chez Tune Mortante. Ben, c'est ça. Mais j'avoue que l'apparence est un petit peu bâtarde, genre... Je pensais aller dire bâtarde. Non, bâtarde un petit peu. Mais celles qui sont molles à l'intérieur, là, les... C'est quoi la marque là, que tout le monde aime? Chewy. Truc Max, là, en tout cas. Moi, Chewy, là, genre. Ouais, c'est ça. Chewy Max, c'est patente, là. Bref. Ça sent bon. Ça sent le caramel, ça sent le chocolat. Ça sent du chocolat noir, mais c'est pas au chocolat noir. Oui, c'est du chocolat noir. Il y a du chocolat foncé, fait que ça doit être, ça doit être au moins 52. Je pense que c'est ça, 52, là, qu'on être noir, commence mais... à considérer... Ben moi, je serais vraiment prête à goûter. Ah, moi aussi. On goûte, on a faim. On a une demi-bouchée de bar sneakers. J'aurais dû en amener une chaque, moi aussi. Go! Ah, c'est pas grave. Une noix. Une poignée de noix. Moi aussi. Mais juste une, je pense. Mm-hmm. Ah. Mm. Sneakers, c'est tellement bon. Oh, et oh oui, on goûte la guimauve. Ça prend du bout de temps, mais on la goûte. C'est vraiment bon. J'adore. Le nougat à saveur de guimauve, j'aurais pas pensé aimer ça. Mm-hmm. Je peux pas vraiment m'empêcher de prendre le reste de la barre. Souvent, le nougat va être trop trop dur pis c'est pas mangeable, mais là, il est vraiment tendre. J'aimerais ça faire une sitcom basée sur les barres au chocolat au nougat. Après ça, c'est les nougats-là. Fait que... Non, mais ça poignerait pas. Non. Ça va être vraiment plate, là, plein de clichés. Genre de blague raciste sur le chocolat noir. Genre... Mmh. Ah, c'est vraiment bon. J'en prendrais 3-4 de ça. Ah, c'est super moelleux, c'est bon. Le king size de ça. Mais ça prendrait quelque chose pour caler ça, pour faire descendre. Mais bon, on a rien. Mmh. Une gomme. Quand tu pognes une noix, là, c'est parfait. Oui, mais il y en a vraiment pas beaucoup. Non. C'est juste assez. Mmh. C'est juste une surprise à l'occasion qui vient un peu contrebalancer la moelleusité. Oui, elle est fortement recommandée par nous deux, je pense. Ah ouais. C'est la Snickers Rockin' Nut Road. Mais je suis surprise d'aimer ça tant que ça. Oui. C'était juste parfait. Je pense que c'est à date pas mal un de mes produits préférés qu'on a acheté dans une grosse boîte d'adresse. Donc. Ouais, c'est vraiment. Pas bien. Vraiment. Ça a le saut d'approbation Paradis Plante. Ah ouais, les deux ici. Là. Oui. C'est rare. Mm-hmm. D'habitude, un est juste adéquat, tu sais. Candidat correct, mettons, comme aux élections de l'OGM. Donc, ben voilà, on a mangé. Et maintenant, on parle de fast-food. Sais-tu ce qui serait bon? Quoi? La crème glacée à cette barre de chocolat là. Ah, oui. Tellement. Imagine là, tu sais, Tourbillon, McFlurry, Blizzard là. Il y a déjà Kit Kat, il y a déjà, tu mettons, imagine Turtles. Imagine à ça. À ça, c'est parfait. Mais j'essaierai une Rocky Nut Road là, de d'autres compagnies, peut-être une Ben & Jerry's Rocky Nut Road. Je pense qu'il y en a une au Guimauve. Faudrait vérifier, mais je crois que oui. Qui doit goûter similaire. Ah. Ben écoute, je suis déjà allé dans un Ben & Jerry's. Oh, arrête. Puis tu sors de là avec un mal de cœur. Oh. Parce que les petits formats, c'est... C'est un prix à payer que je suis prêt à payer. C'est énorme. On change complètement de sujet avec les nouvelles du fast-food. Est-ce que est-ce que la science a finalement créé un veggie burger que vous pourriez prendre pour le vrai hamburger? Ça ressemble à un vrai burger, ça goûte comme un vrai burger, ça saigne comme un vrai burger. Non, ça saigne? Ben oui, ça doit être un burger. Ça doit être un burger. Un chat, c'est un chat. Si un chat, ça miaule, c'est un chat. Mais non, c'est l'Impossible Burger. Un substitut végétarien à la vraie chose, donc qui a été inventé par Patrick Brown, un professeur en biochimie à Stanford. L'Impossible Burger est fait d'une matière de plante et ça utilise un ingrédient secret qui fait que ça peut saigner et que ça goûte comme la viande. L'ingrédient est la protéine HEME, H-E-M-E, qu'on trouve dans les cellules rouges. H-E-M-E, ça? C'est pas une grippe, ça? C'est drôle. C'est pas le code postal du Père Noël, c'est H-E-M-E, H-E-M-E. Donc, Brown cherche aussi des substituts pour les produits du fromage. Deux journalistes du Wall Street Journal ont échantillonné ce burger de plantes. Ils disent que ça goûte un peu entre le burger de dinde et le vrai burger au bœuf, sans vous laisser avec une impression de léthargie. Tu sais, quand tu manges un burger, tu te sens un petit peu comme fat. Le Titanic, là, c'est ça, genre. Donc, Brown a créé sa propre startup Impossible Foods. qui a tiré 75 millions de dollars américains. Ça, c'est évidemment 96 millions de dollars canadiens. Colin, que c'est énorme comme différence. Donc, de grands visionnaires comme Bill Gates et Google Ventures, selon le Journal. Impossible Food n'est pas la première compagnie à essayer de se créer un Frankenburger. Mais quand même, celle-là, au moins, l'avantage de goûter très proche du vrai produit. Les Possible Burger coûtent 20$ à fabriquer en ce moment, ce qui est beaucoup trop cher pour les standards du fast-food. Présentement, McDonald's ajoute des solutions alternatives organiques, biologiques à son menu pour augmenter les ventes. Donc, pourrait faire de la place éventuellement pour un cheeseburger impossible ou quelque chose comme ça. S'il peut en produire plus, ça pourrait faire descendre les prix. Mais reste à voir, c'est pas parce que c'est végé que c'est nécessairement bon pour la santé. C'est ça. Parce qu'on sait pas vraiment avec quoi c'est fait la boulette. Et là, si McDo veut le vendre, faut que ce soit pas bon pour la santé, mais qu'il puisse avoir l'air de l'être. T'sais. Moi, c'est ça, mais tu sais, je serais intéressé, c'est sûr que je serais intéressé à goûter ça, mais il faudrait que ce soit meilleur pour ma santé, il faudrait qu'il y ait un avantage à manger ça, là. Tout à fait. Sinon, je vais juste continuer à m'en faire chez nous. Voilà. L'Impossible Burger. Ensuite, est-ce que t'aimes la sauce piquante? Ben oui. Évidemment. Eh ben, si t'aimes la sauce piquante, ça pourrait avoir un lien avec ta personnalité. Le test de personnalité Myers-Briggs peut vous aider à déterminer si vous êtes un extraverti, un introverti, etc. Mais votre amour de la sauce piquante peut révéler quelque chose sur votre tempérament, votre comportement. Donc, dans les années 80, un professeur en psychologie à l'Université de la Pennsylvanie nommé Paul Rosin nous a parlé d'une connexion entre le fait d'aimer les manèges et aimer les nourritures épicées. Plus récemment, un groupe de chercheurs de Penn State nous apprend que la personnalité pourrait jouer un peu un rôle dans notre désir pour la chaleur et l'épicé, tout ce qui est piquant dans la nourriture. C'est une étude donc qui nous dit que les gens qui ont le plus tendance à aimer des films d'action, à chercher l'aventure et à explorer, avaient 6 fois plus de chances, de probabilité d'aimer aussi la chaleur d'un repas épicé. Donc Hayes et sa collègue, Nadia Burns, ont publié une recherche sur tout ce qu'ils ont trouvé, l'évidence qu'ils ont réussi à trouver. Donc par contre, la nouvelle étude qui est dans le journal Food Quality and Preference, donc pointe à des différences entre les genres, donc que tu sois un homme ou une femme. Les femmes qui aiment les nourritures épicées sont plus attirées par la brûlure dans la gorge, donc le petit piquant dans la gorge, plus que les hommes. Et pour les hommes, c'est le facteur plus macho. L'idée donc qu'un homme vraiment viril est capable de supporter plus de piquant ou de chaleur. C'est un peu stéréotypé, mais... Ben, selon l'étude, ce seraient des stéréotypes qui sont valides. Donc, peu importe votre personnalité, votre motivation, quelques petits conseils si vous voulez prendre de la sauce piquante. On nous suggère un paquet de conseils, je vous ferai pas la nomenclature des détails, mais de pas trop en mettre. Pour réussir à goûter la saveur quand même, parce que si tu mets trop de piquant, tu goûtes plus. Il y a quand même y aller progressivement aussi, là, si t'en as jamais mangé. Vas-y tout doux, là. Justement, et commence avec les sauces un petit peu plus légères qui vont vous aider à focusser sur la saveur et non pas sur le piquant. Ensuite, de créer vos propres condiments avec un petit peu de piquant. Tu fais souvent allusion à ça, d'ajouter de la tabasco dans d'autres choses comme la mayonnaise. Ouais, tabasco chipotlé dans la mayo. Miam. Impeccable. Ensuite, d'y aller par habitude, donc exposure. Donc, y aller tranquillement pour ceux qui n'aiment pas ça, de s'habituer à ça. De goûter avant d'en rajouter. C'est souvent le problème. Les gens vont mettre sel poivre surtout dans la vie, puis il y a de la petite sauce piquante avant d'avoir goûté au repas. Essaie de voir si ça goûte déjà bon. Ou quand tu cuisines, des fois, tu dis non, ça goûtera pas assez, ça, je vais en mettre un petit peu plus, puis que t'es pas capable de manger ton souper. Et finalement, respecter les poivrons, les piments forts qui sont trop forts pour vous. Il y en a qui vont acheter les plus piquants en pensant, tu sais, moi j'ai la bouche faite forte, là, ils vont prendre le plus piquant, puis ils vont pas être capables de les manger après. Donc, renseignez-vous sur le degré de piquantitude. Ouais, je pense un des plus piquants qu'on a ici, c'est le habanero. Ouais. À faire attention. Exact. Et aussi, si vous le coupez, touchez pas vos yeux. Ben non! Tellement même bon point. Si tu te laves les mains, là, c'est pas le temps d'aller te mettre des verres de contact. Ah, boy. PFK réinvente le jouet du fast-food en Chine. C'est Ogilvy Shanghai qui a créé l'application mobile pour une promotion et ça a eu 1,3 million de téléchargements en date d'un mois. Donc, évidemment, les chaînes de fast-food ont toujours offert des jouets pour les enfants à travers les décennies. Tu développes le jouet, que ce soit une figurine, quelque chose qui a rapport avec un film. Normalement, tu peux pas faire grand-chose à part la regarder puis la mettre quelque part, tu sais. Même si moi, je trippe sur les figurines. Je veux dire, j'achète plein de figurines de Mario, tu sais, j'en ai plein. Ah oui. C'est pas parce que c'est inutile qu'on en achète pas, tu sais. Parce que si on achetait juste... Seigneur, c'est comme les gens qui chialent contre la Apple Watch. C'est tellement inutile, jamais je paierai peu importe le prix que ça coûte. Ouais, mais des boucles d'oreilles non plus, c'est pas utile. Un collier, c'est pas utile. Pourquoi est-ce qu'une Apple Watch serait plus dérangeant d'acheter ça à un prix de fou, tu sais? Ah ouais, je suis bien d'accord. Ça dépend des intérêts de chacun, voilà. N'importe quoi. Donc, c'est Ogilvy and Mather Shin qui nous sort cette nouvelle-là. C'est le défi qu'on essaie de relever, de peut-être changer les choses dans le domaine du fast-food en Chine. On a trouvé une nouvelle idée de promotion numérique. Donc, c'est une expérience mobile. La Chine a 557 millions d'utilisateurs sur téléphone cellulaire, non, d'utilisateurs mobiles d'Internet en Chine. 557 millions, c'est énorme. Et plusieurs adolescents ou jeunes adultes qui peuvent se permettre des téléphones Android pas trop chers qui sont sur le marché. Donc la campagne arrive à un moment important pour PFK qui est entré très tôt dans le marché du fast-food en Chine avec plus de 4800 restaurants là-bas. Donc la campagne est la suivante, ça débute à la fin du mois de décembre et ça continue jusqu'à la Saint-Valentin, ça vient de se terminer donc il y a un mois environ. Ça mélange des éléments de marketing du moment comme une application mobile, une expérience hors ligne et en ligne, des selfies qu'on peut partager, du K-pop, la musique coréenne et un joli petit boy band. Donc le boy band de 10 membres nommé EXO, des membres sud-coréens et chinois. Donc le marketing est basé sur le fait qu'ils sont des extraterrestres avec des super pouvoirs. Donc l'expérience de l'application focus sur la moitié du band qui chante en mandarin. Donc c'est la folie furieuse. Et les gens qui achètent un combo thématique coréen pour un prix moyen de 6,56$ recevaient une figurine d'un des membres du band, un code QR. Et après avoir téléchargé l'application, on pouvait utiliser le téléphone intelligent pour prendre une photo du code QR et avoir du contenu gratuit. Donc ça donnait 75 niveaux dans le petit jeu mobile. Donc une nouvelle façon de faire des jeux pour enfants à la place de t'en donner juste un jouet. Bah, c'est façon cool. Ensuite, peut-être as-tu vu passer ça sur internet, j'avais envie d'en parler avec toi. C'est chez Little Caesars, un restaurant, une chaîne de restaurants aux États-Unis, Petit César, qui nous parle donc de sa pizza deep dish enveloppée de bacon tout le tour. Oh boy! Dans un cas de pourquoi pas, Little Caesars enveloppe tous les côtés de sa deep dish pizza avec des tranches de bacon pour une nouvelle édition limitée Bacon Wrap Crust Deep Dish Pizza. Aïe aïe. C'est parmi les pizzas les plus chères chez Little Caesars, $12 américains, ça c'est environ $15 canadiens pour une pizza régulière avec une seule garniture. D'habitude ça coûterait $8, là ça en coûte 12. Ben une seule garniture, il y a quand même du bacon autour. Oui, et pour seulement $4 de différence. Américain, c'est pas une grosse différence. Là. $4 de bacon là, chez McDo, quand tu demandes, ou Subway, tu demandes de l'extra bacon, ça coûte à peu près ça, puis t'as quoi, deux tranches de plus. Aucune genre. Idée. C'est ridicule. Donc, en plus d'avoir du bacon croustillant tout autour de la croûte, à la pizza aussi des garnitures de morceaux de bacon et du pepperoni. Donc, c'est deux pizzas carrées de 4 pointes chaque dans votre commande. Donc, c'est 8 à côté de bacon, au-dessus de 3 pieds et demi de bacon. 3 pieds et demi étant 1,07 mètres. Donc, la pizza est disponible en hot and ready. Donc, ça, c'est assise dans un petit réchaud prête à être ramassée et pas aussi fraîche qu'elle pourrait l'être. Entre 16h et 20h dans les restaurants participants. Et on peut la faire pour commander aussi à l'extérieur de ces périodes horaires-là pour l'avoir encore plus fraîche. Hein. Donc, Little Caesars Bacon Wrap de Crust Deep Dish Pizza devrait être lancé, qui a été lancé en fait nationalement le 23 février. Et donc, ça va être disponible pour une durée limitée jusqu'à la fin du mois d'avril chez Little Caesars si jamais vous passez par les États-Unis. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Hey, ça me fait penser, tu parles de bacon. Ouais. J'ai lu ça cette semaine pour faire du bacon pour les végétaliens. OK. Tu sais, végétaliens. Rien de ce qui est animal. C'est ça. Donc, ça enlève quand même beaucoup de possibilités. Ouais. Dans le fond, le truc, c'était tu prends des. Tu te fais des tranches de noix de coco, tu sais, vraiment fin, un peu comme forme de bacon, avec du tamari, c'était quoi l'autre affaire? Genre du tabasco chipotle ou quelque chose comme ça, puis des petites épices, t'envoies ça au four, puis ça te fait quelque chose de très intéressant pour le brunch, pour remplacer le bacon. Je trouvais ça intéressant, ça goûte plus la noix de coco, ça fait un genre de style bacon. Sirop d'érable. Ah, miam. C'était ça l'autre affaire. Excellente idée, ça. Ça me donne le goût d'essayer juste par curiosité. Oui, on doit pouvoir facilement trouver une recette en tapant ces mots-là sur Google. Ah, oh ben oui. Les ingrédients. Voilà. Maintenant, donner une bouteille de M&M à des enfants dans une bouteille de prescription, est-ce que tu penses que c'est une idée qui est appropriée, toi, maintenant? Non, c'est vraiment une idée de crotte. Une idée de crotte. Ben, c'est une compagnie qui vend des produits pour les bébés qui a donné de fausses bouteilles de prescription remplies de bonbons à des blogueurs pour qu'ils puissent donner ça et ramener ça à la maison à leurs enfants. Ben oui. Puis après ça, des enfants, ils voient un pot de pilule puis ils disent « C'est correct de se bourrer à face, j'ai déjà fait. » No problem. No problem. Donc, c'est ça. C'est un professeur universitaire qui a donc donné des bouteilles de M&M directement aux enfants, ce qui a fâché les parents. Pas parce que t'es pauvre que t'es nécessairement brillant. Exactement. Donc l'idée à la base aurait pu avoir du sens. Donc un professeur en technologie de la pharmacie, en pharmaceutique, voulait probablement donner l'impression, faire une bonne impression pour les enfants, pour rattacher ça un petit peu au sujet, à la matière qu'il enseigne, décide de donner des bouteilles de M&M, des bouteilles couleur ambre, genre de orange, de prescription, avec des étiquettes qui avaient l'air vraies, donnant l'instruction de prendre un M&M à chaque 2 à 4 heures. Tu sais, de rationner ses bonbons, si quand on veut. C'est quand même drôle, parce que sur la photo, c'est des Skittles. En plus, outrage à des Skittles, c'est pas la même affaire qu'à des M&M partout. Là. Mais non, vraiment pas. Donc, un docteur qui a parlé à la station de télé WMBF a expliqué que les enfants qui mangent des médicaments sont la cause de 40% des appels à des centres de poison. Hey, 40%. 40%, c'est pas rien du tout. Donc, très, très mauvaise idée. Évidemment, le collège, l'université, c'est... Ben, le collège, pas l'université, mais on se comprend là-dessus. C'est excusé sur Facebook. Ben, ouais. J'espère. J'espère bien. Il y en a. Puis refaites la photo, là, c'est pas représentatif. Non, absolument pas. Absolument pas. Ensuite, continuons avec ça ici. Attention, qu'est-ce que c'était? Voilà. C'est moi, ouais, c'est ça? Non, c'est que des fois, j'atteins la limite du nombre d'articles gratuits sur le site. Les murs payants, là. Les journaux font ça depuis quelques années. Là, genre, après 5 articles que t'as vu dans le mois, tu peux plus aller voir ces articles-là. Fait qu'il faut les ouvrir en mode de navigation privée si vous êtes assez geek pour comprendre ce que ça veut dire. Navigation privée, colle le lien là-dedans, ça marche tout de suite. Donc, c'est Max Wallhouse. Excellente idée, j'avais hâte, ça aussi, que ça arrive. Tu connais les Squirtles de petits jus? Pour les bouteilles d'eau. Ouais. Et pour les verres d'eau en général. Enfin, Max Wallhouse qui essaie de regagner un public plus jeune en faisant des bouteilles Squirtle, mais pour le café glacé. Arc. Ça a pas l'air fantastique. C'est une marque donc qui date de 122 ans. Kraft, pas Kraft, mais Max Wallhouse. Kraft Foods Group pense avoir trouvé la bonne recette pour augmenter les ventes de sa marque qui commence à battre de l'aile. C'est négatif, ça? Oui, c'est négatif. À battre de l'aile. Donc, Max Wallhouse Iced Coffee Concentrates. C'est un sirop de café sucré, bien sûr, qu'on squirtle sur votre eau ou votre lait. Ou même sur de la glace pour créer du café glacé. C'est un peu comme du Mio, mais pour la caféine. C'est un nouveau produit en format 1,6 onces, 10 portions. Ça coûte 4 $ américains. Ça fait partie de la campagne de Kraft. Et Kraft, on dirait un nouveau sac. De Kraft pour attirer les jeunes avec des bas prix. Essayer de renouveler son auditoire. Donc, c'est ça, le reste des détails m'importe très très peu. Mais ça a l'air bon, je trouve. Il y a de la caféine là-dedans? Il y a de la caféine. Ok, à faire attention. En tout cas, il y avait la mention de caféine dans l'article. Mm-hmm. Je dois avouer que la bouteille n'est pas assez grosse pour que je puisse la lire de loin. Non, effectivement. C'est vraiment très très petit. C'est sûr que je vais essayer ça. Et c'est certain que le jour où je vois ça en magasin, j'en amène. C'est clair. Ça a l'air vraiment dégueulasse. C'est clair. J'avais pensé, l'autre fois, je voulais amener un échantillon de. C'était au melon d'eau. Mais j'ai goûté à la maison, puis c'était dégueulasse. Ah, ok. J'ai pas pu résister. c'était vraiment dégueulasse. C'était du. En plus, c'était le choix du président. Vraiment pas bon. On va y aller avec des articles que je peux lire encore aujourd'hui. On va y aller avec quelques derniers, tiens, pourquoi pas. C'est un homme qui utilise un billet de première classe d'avion. Pour pouvoir manger gratuitement à l'aéroport pendant un an. C'est un homme de Chine qui a trouvé la façon parfaite de se faire des dîners gratuits, jour après jour. Non, c'est un homme qui est encore anonyme, qui a acheté un billet de première classe complètement remboursable sur Eastern China Airlines, okay? Donc à l'ASEAN okay. International Airport, où les gens qui voyagent peuvent savourer un repas gratuit. Quand t'es VIP, tu manges gratuitement. Donc pendant presque un an, il venait à l'aéroport, mangeait sa nourriture gratuite, remettait son vol au lendemain, parce que tu avais le droit de rescheduler, de remettre à l'horaire pour plus tard. Il revenait, il mangeait un repas gratuit, il remettait son billet au lendemain, à chaque fois pendant un an. Éventuellement, les gens de chez Eastern China Airlines ont remarqué quelque chose d'étrange. Ils ont allumé. Ouais, mais seulement après que le même billet ait été rebooké plus de 300 fois. Wow. Et l'homme aurait présumément mangé 300 repas gratuits. Donc, on a confronté l'homme, il a arrêté tout de suite. Il pouvait pas faire grand-chose, les gens de chez Eastern China Airlines, parce qu'il faisait juste suivre les règles. Il a retourné le billet, il s'est fait rembourser. Donc, dans le fond, il a mangé 300 fois gratuitement. Et en plus, le billet d'origine qui reschedulait, se l'est fait rembourser. Wow. Une porte-parole pour la ligne aérienne a dit que c'était très rare que ça arrive, ce genre de choses-là. Mais à moins de fermer l'échappatoire, c'est probable qu'on va revoir ce genre d'histoire. Ah non, mais il est brillant, là. Un génie. Il est un petit peu abusé, par exemple. Ouais, ben c'est ça. Mais en même temps, aucune conséquence à ses actes. Il est remboursé puis il a mangé 300 repas ouais, gratuits. Ouais, mais tu peux pas vraiment donner une conséquence à quelque chose qui n'est pas illégal. C'est ça. Et le gars est encore anonyme. Fait que, tu sais, il pourrait le laisser dans une autre ligne aérienne s'il voulait. On sait pas son nom. Mais on sait pas, peut-être que c'est pas comme ça partout non plus, là. Peut-être. On sait pas. On s'est pas trop renseigné non plus. Bref. Voilà pour une grosse pointe à l'adresse. Il me reste encore un paquet d'autres nouvelles. On fera ça une prochaine fois. Mm-hmm. C'est cool. Ah, mais pour l'instant, nous, ça va être la fin d'Assemblage requis pour aujourd'hui. Ah ouais. Ça passe vite! Ah, on a eu du plaisir! Mais on va être de retour demain entre 6h30 et 9h30, en direct à partir de 7h30. Demain, je vous annonce que nous serons Mercredi. Mercredi, le jour du milieu de la semaine. Donc on aura... Enfin, on va avoir Charles-Antoine Rioux à 8h. Mm-hmm. On n'aura pas Véronique Mire demain, malheureusement. Oh. Ouais. Frédéric Bernard va être là à 8h30 pour sa chronique Crackpot TV. Et on va continuer notre série d'entrevues avec les gens de la GEQTR à 9h demain. Mm-hmm. On va voir comment ça rentre tout ça dans l'émission de demain, mercredi. C'est mercredi, hein. C'est une journée remplie d'habitude. Restez sur nos ondes à 11h, c'est Dîner de con avec Danny Janvier. À 13h, la rediffusion de rock classique. À 19h, réanimation avec du métal et de l'horreur. Et à 21h, matière noire avec du métal progressif et de la musique obscure. Cif.ca pour la programmation complète. Assemblagerequis.com pour les notes de l'émission. Les balados diffusion. Merci à Gabriel Mehoud. Ben oui. Les gens de l'AGUQTR. Ah ben oui. Jérémy Gosselin. Mon Dieu, t'es dans mes demandes. Ouais. Toi, Stéphanie Paradis. Et puis toi, Mathieu Plan. On se quitte avec un nouvel extrait du palmarès francophone. C'est par le cri du chat. Voici Danse sauvage. Et à demain, à 6h30.